Nombre chapitre 24. Or Balaam, voyant que l'Éternel voulait bénir Israël, n'alla plus, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage vers le désert. Et élevant les yeux, il vit Israël qui se tenait rangé selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit, « Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert, dit, celui qui entend les paroles du Dieu fort, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe à terre, et qui a les yeux ouverts, dit, que tes tabernacles sont beaux, ô Jacob, et tes pavillons, ô Israël. Ils sont étendus comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des arbres d'aloe que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès de l'eau. Le distillera de ses seaux, et sa semence sera parmi de grandes eaux, et son roi sera élevé par-dessus Aga, et son royaume sera haut élevé. Le Dieu fort qu'il a tiré d'Égypte, lui est comme les forces de la licorne, il consumera les nations qui lui sont ennemies, il brisera leurs os, et les percera de ses flèches. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion qui étend sa force, et comme un vieux lion, qui l'éveillera? Quiconque te bénit, sera béni, et quiconque te maudit, sera maudit. Alors Bala se mit fort en colère contre Balaam, et frappa des mains, et Bala dit à Balaam, je t'avais appelé pour maudire mes ennemis, et voici, tu les as bénis très expressément déjà par trois fois. Or, maintenant, fuis t'en dans ton pays. J'avais dit que je te donnerais une grande récompense, mais voici, l'Éternel t'a empêché d'être récompensé. Et Balaam répondit à Bala, n'avais-je pas dit à tes ambassadeurs que tu avais envoyé vers moi? Si Bala me donnait sa maison pleine d'argent et d'eau, je ne pourrais transgresser le commandement de l'Éternel, pour faire de moi-même du bien ou du mal, mais ce que l'Éternel dira, je le dirai. Maintenant donc, voici, je m'en vais vers mon peuple, viens, je te donnerai un conseil, et je te dirai ce que ce peuple fera à ton peuple, au dernier temps. Alors il proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert, dit, celui qui entend les paroles du Dieu fort, et qui a la science du souverain, et qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe à terre, et qui a les yeux ouverts, dit, je le vois, mais non pas maintenant, je le regarde, mais non pas de près. Une étoile est procédée de Jacob, et un sceptre s'est élevé d'Israël, il transpercera les coins de Moab, et détruira tous les enfants de Seth. Édom sera possédé, et Séir sera possédé par ses ennemis, et Israël se portera vaillamment. Et il y en aura un de Jacob qui dominera, et qui fera périr le résidu de la ville. Il vit aussi Amalek, et proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit, Amalek est un commencement de nation, mais à la fin il périra. Il vit aussi le Kénien, et il proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit, ta demeure est dans un lieu rude, et tu as mis ton nid dans le rocher. Toutefois Caïn sera ravagé, jusqu'à ce qu'Assur te mène en captivité. Il continua encore à proférer à haute voix son discours sentencieux, et il dit, malheur à celui qui vivra, quand le Dieu fort fera ces choses. Et les navires viendront du quartier de Chittim, et affligeront Assur et Ébé, et lui aussi sera détruit. Puis Balaam se leva, et s'en alla pour retourner en son pays, et Bala aussi s'en alla son chemin.